Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémeaux 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loulas quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Et pour l'émission de ce soir, par rapport à hier soir, on aura déjà pas mal changé de registre. Hier soir, c'était très rock'n'roll metal avec des tatouages. Aujourd'hui, on va aller dans une ambiance beaucoup plus douce, pleine d'amour, avec Romain et Pauline de l'association Mon Amour pour le salon du mariage Mon Amour qui a lieu les 13 et 14 octobre de cette année à Cornimont. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Alors, avant toute chose, c'est vrai que j'aime bien faire les choses dans un certain ordre. Et avant de parler de l'événement en lui-même, j'aimerais bien qu'on présente, si c'est possible, l'association que vous représentez. Et bien entendu, vous, quelle est votre place au sein de l'association? Parce que si je ne me trompe pas, Mon Amour, avant toute chose, MONT, Amour, c'est une association. C'est ça. Oui. C'est une association de prestataires de mariage qu'on a créée il y a maintenant un an et demi. C'est parti d'un constat, en tant que prestataire de mariage, on se sentait peut-être un petit peu esselé parce que on voit beaucoup de monde mais on n'a pas forcément toujours le temps d'échanger entre nous. Et du coup on avait envie de pouvoir se rassembler et d'échanger sur nos métiers et savoir comment l'un et l'autre travaillent, etc. Donc en fait, c'est un rassemblement de personnes qui œuvrent autour du mariage. Et dans ce cas, vos emplois à vous, vos emplois respectifs, sont en lien avec le mariage, si je ne me trompe pas. Oui. Alors Romain. Alors moi, je suis fleuriste. Je travaille avec ma compagne. On a un atelier floral à Rochesson, entre Vanier et Gérardmer. Et on s'occupe de tout ce qui est événementiel, donc l'été principalement, du coup les mariages, tout ce qui est la partie florale, décoration et location de décoration. Et vous, Pauline ? Et donc moi je suis wedding planner, donc organisatrice de mariage, et je suis installée à Vanier, donc entre Remiremont et La Bresse. Et on a aussi une troisième personne qui est aussi gérante pour l'association, Estelle, qui est photographe. D'accord, donc c'est un ensemble d'au moins trois personnes. Oui, c'est nous trois qui gérons l'association. Ça fait longtemps qu'elle existe, cette association ? À peu près un an et demi. Et alors, vous l'avez créée pour rassembler un petit peu, comme vous le disiez, tous les prestataires. Est-ce que, avant toute chose, avant de parler de l'événement, pourquoi avoir choisi le nom Mon Amour, MON'T, Amour ? C'était, vu qu'on est dans les Hauts-de-Vosges, c'était pour faire un petit jeu de mots avec les monts, les montagnes. Donc c'était pour ça, l'apostrophe T, il est de là. Donc pour ramener un petit peu, j'imagine, les salons du mariage dans les Vosges ou dans les vallées, on va dire. Le festival, est-ce que c'est sa première édition qui aura lieu cette année ? Oui. Ah, oui, super ! Oui, c'est la première. Donc, vous avez eu cette idée pour faire quoi ? C'est pas vraiment une journée porte ouverte de l'association ? Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment un regroupement de prestataires. C'est le même principe qu'un salon du mariage traditionnel, avec des prestataires qui seront là pour présenter leur entreprise. Mais en fait, on se reconnaît. C'est plus dans les salons traditionnels qu'on trouve dans la région. Et on voulait faire quelque chose de plus convivial. et vraiment, voilà, plus sous forme de festival. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi un lieu insolite. Donc on a choisi la chapelle de Travexa à Cornimont, qui est un peu qu'un lieu plus, voilà, vraiment, vraiment atypique et vraiment sympa pour les mariages. Et voilà, que ça soit quelque chose de convivial entre les commerçants, les prestataires et les futurs mariés qui vont venir nous voir. Donc on parlera un petit peu plus tard dans l'émission du lieu qui a été choisi. Alors vous avez dit pardon, pas de tu. On n'en a pas parlé avant l'émission. Oui, il a été mentionné la chapelle de Travexa à Cornimont. On va mettre les choses dans le bon ordre, mais ça, c'est du grand loup dans l'émission L'Heure des Loups. Donc, comme je le disais, ce salon du mariage, parce que c'est un salon du mariage, a lieu les 13 et 14 octobre 2018 à Cornimont. Ça fait longtemps que vous étiez sur l'envie d'organiser cet événement. Ça a pris du temps ? Oui, ça a pris un peu de temps. C'était un constat, voilà, à force de se croiser sur les événements, sur les mariages, on avait un peu les mêmes attentes et les mêmes constats que justement on ne se retrouvait plus dans les salons, et on voulait faire vraiment notre propre esprit et notre propre festival. Donc après, ça a mis un peu de temps, le temps de s'organiser, trouver qui allait gérer un peu l'association. Au départ, on était pas mal de prestataires, et puis petit à petit, ça s'est réduit un petit peu. Et pour finir, on est resté à trois pour vraiment avoir le socle, la base, et pouvoir partir sur une organisation plus sereine, et pas que ça parte trop dans tous les sens. D'ailleurs, vous pourrez peut-être dire à nos auditeurs... qu'est-ce qu'un salon du mariage peut apporter de plus qu'Internet n'apporterait peut-être pas ? Parce que c'est vrai que maintenant, avec Internet, il suffit de claquer des doigts pour avoir plein d'infos, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, enfin... Alors, l'avantage du salon du mariage, c'est avant tout la rencontre. On va être présent pour rencontrer les visiteurs, les futurs mariés. On va pouvoir leur expliquer un petit peu comment on travaille, ce qu'on peut proposer, etc. Et puis, lors du festival, il y aura vraiment un aspect festif. Donc, ils vont pouvoir voir des spectacles, des animations musicales, des animations autour des fleurs, etc. Donc, c'est vraiment... un moment de rencontre, et c'est ce qu'ils ne trouveront certainement pas sur Internet. Donc on veut les accueillir pour leur expliquer tout ça. Et comme vous le disiez, Pauline, c'est le moment de rencontrer des personnes, peut-être de définir un projet de mariage ou en savoir un petit peu plus. Est-ce que des personnes peuvent venir en ayant peut-être organisé quasiment tout leur mariage, mais en demandant peut-être quelques conseils, ou des personnes qui peuvent partir de zéro ? Je pense qu'il y aura un petit peu de tout au sein des visiteurs. Je pense qu'on aura des personnes qui auront déjà leurs idées très arrêtées et qui seront là pour nous rencontrer et avoir des conseils. Et je pense qu'il y en aura d'autres qui auront peut-être juste la date ou juste l'envie de se marier. Et nous, après, voilà, on sera là pour répondre à leurs questions, peu importe où ils en sont dans l'évolution de leur projet de mariage. Le mariage, c'est surtout, Pauline, c'est vraiment le centre de votre travail, vu que vous êtes wedding planner. C'est un anglicisme, ça. Vous pouvez peut-être expliquer aux auditeurs qui ne savent peut-être pas encore ce que c'est. Alors, wedding planner, c'est vraiment organisatrice de mariage. Ça comprend vraiment... tous les aspects organisationnels du mariage, c'est-à-dire rechercher les prestataires, comparer les différents devis, organiser les différents rendez-vous pour rencontrer ceux-ci, mettre en place tout ce qui est décoration, il y a une grosse partie de conseils également. Et puis le jour du mariage, je suis présente pour coordonner tout l'événement, c'est-à-dire que tous les prestataires aient leur place et que tout s'embrique correctement pour que le mariage soit une réussite. C'est presque comme être une première demoiselle d'honneur professionnelle. C'est ça. Un petit peu. C'est le chef d'orchestre personnel du mariage. Et donc, ça marche bien. On est quand même régulièrement en recherche de wedding planner. Ah oui, de plus en plus. Oui, oui. Et vous, Romain, vous êtes fleuriste. C'est ça. Forcément, en tant que fleuriste, vous ne gérez pas que les mariages, mais si vous êtes là, c'est quand même pour parler des mariages. À quel point les fleurs, les plantes, c'est important pour ce jour ? Je pense que les fleurs et les plantes apportent vraiment l'esprit du mariage, que les gens, le thème qu'ils veulent apporter, c'est basé, pas que sur les fleurs, mais l'aspect floral apporte quand même pas mal pour l'ambiance du mariage. Et donc nous, on s'occupe de tout ce qui est fleurissement comme un fleuriste traditionnel, le bouquet de mariée, les centres-tables, la voiture. Et en plus, on a une partie vraiment mise en ambiance de la salle, de la cérémonie, donc en alliant les fleurs et la décoration. Et oui, j'imagine que c'est quand même un gros travail, on va dire. Déjà, en tant que fleuriste, vous êtes aussi, comment ça, vous faites aussi de l'art floral? Alors, oui, on peut appeler ça art floral, mais comment on pourrait dire, c'est toute une préparation avant avec eux sur le thème qu'ils ont défini. Après, il y a la partie préparation à l'atelier, donc la préparation des compositions, des bouquets. Et après, il y a aussi toute la partie le jour J, toute la mise en place sur le lieu de l'événement et la livraison du bouquet, des couronnes de fleurs, des choses comme ça chez les mariés. J'imagine que c'est beaucoup de travail. Bon, j'ai pas besoin de poser la question à Pauline parce que l'organisation d'un mariage, c'est énorme. Mais oui, aussi en tant que rien que la partie fleurs, ça doit être beaucoup beaucoup de travail. Ouais, c'est pas mal de recherches aussi pour trouver toujours de nouvelles idées. Et après, ouais, la partie conception, ça prend quand même pas mal de temps. Et nous, en plus du fleuriste traditionnel, on a la partie aussi mise en place et installation de la décoration. Donc ça, c'est pareil, ça nous prend aussi pas mal de temps. Donc en fait, vous êtes aussi présent quasiment jusqu'au dernier moment. Ouais. Donc ça vous prend aussi, j'imagine, beaucoup de temps. Vous êtes beaucoup sollicité aussi pour les mariages ? Oui, l'été, c'est notre grosse période de mariage. Après, les gens se marient principalement de juin à mai à septembre à peu près. Oui, en général. Et il y a quand même, comment dire, mis à part les mariages, est-ce qu'il y a une demande aussi de plus importante par rapport aux fleurs, parce que il me semble que ça devient, ou c'est depuis pas très longtemps, la grande mode d'avoir des couronnes de fleurs dans les cheveux ou des bouquets de plus en plus créatifs et artistiques. Oui, alors ça, on fait beaucoup de bijoux floraux, tout ce qui est couronne, les bracelets, les boutonnières pour les mariés. Et après, oui, avec Internet, du coup, les gens ont beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples, Pinterest, par exemple, c'est le site où tous les mariés vont et nous ramènent beaucoup d'exemples. Donc après, voilà, il faut trouver d'autres idées, s'adapter et leur proposer ce qu'ils ont envie selon leur thème, leur couleur, leurs envies. C'est un tout pour réussir à s'adapter aux mariés, parce que vous travaillez avec énormément de monde tout au long de l'année, et j'imagine faire en sorte que la journée de chacun de ces couples soit unique, tant pour vous Pauline que pour vous Romain. Ça ne peut pas forcément être évident, mais est-ce que aussi vous travaillez parfois entre prestataires ou pas forcément, pas plus que ça ? Si, après, on prend vraiment bien le temps, que ce soit Pauline ou nous, on a vraiment le temps justement de prendre des rendez-vous, de discuter avec les futurs mariés, de comment ils voient leur mariage. Après, ouais, les mariés se marient de plus en plus tard, donc ils ont le temps déjà d'avoir leur vie, leur passion. Donc là, ça reflète vraiment leur mode de vie et leur style. On prend le temps de voir ça avec eux. Et après, nous, on participe avec les autres prestataires. Après, on peut conseiller ou avec des gens qu'on a rencontrés sur des prestations qu'on apprécie et qu'on apprécie leur travail. Après, Pauline, c'est sûr, elle gère plus vraiment la coordination entre tous. C'est tout un travail qui sera présenté aussi à un plus large public les 13 et 14 octobre à Cornimont. Et d'ailleurs, j'imagine que tout le monde peut venir, même les célibataires. Bien sûr. Avec plaisir. Ah, et d'ailleurs, c'est le titre de la pause musicale qu'on va s'écouter tout de suite, un titre de Delphine se défile, Célib à terre, ça y est, je vais y arriver. On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Au musée des horreurs, ici, il n'y a pas d'heure. Vous venez de vous séparer, il y a de ça quelques années. La devise de la maison entrée gros sur le plafond. Mieux vaut être seul que mal baisé. Youpi, tralala, vous êtes célibataire. Youpi, tralala, y a plein de choses à faire. Youpi, tralala, quelle joie. De retour sur Radio Gémozo, toujours dans l'émission L'heure des loups, et si vous voulez interagir ou réagir avec nous, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Radio Gémozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40, même à m'envoyer un petit SMS pour les quelques chanceux qui ont mes numéros de portable. Et on est toujours avec Romain et Pauline pour Mon Amour, pour le salon du mariage. D'ailleurs, on a même tranché pendant la pause musicale, on n'a qu'à continuer à se tutoyer, ce sera plus simple. Et on était avec vous deux en fait pour présenter déjà l'association Mon Amour pour le festival Mon Amour, donc M-O-N apostrophe T amour. De toute façon, tout sera noté dans le podcast sur notre site internet et sur notre page Facebook que je rappellerai en fin d'émission. Et on y vient en fait à ce festival. C'est le premier que vous organisez, Mon Amour. Hein. Parce que oui, maintenant il y a le vous, il y a le vous l'ensemble et après il y a le tu. Attention à ne pas s'en mêler les pinceaux. Et on va commencer peut-être par le début, peut-être le lieu là où ça va se trouver. Romain, tu as dit un petit peu plus tôt dans l'émission que ce sera à la chapelle de Travexin à Cornimont. Pourquoi avoir choisi ce lieu en particulier ? Alors on a choisi la chapelle parce qu'on voulait vraiment trouver un lieu atypique. Pas courant, qu'on trouve pas, que ça soit autre chose qu'un parc des expos ou ce qu'on trouve habituellement pour un salon. Et là, du coup, la chapelle, c'est vraiment un lieu atypique. C'est super joli. C'est une ancienne chapelle qui a été désacralisée. Et du coup, ça a été racheté en 2012 parce qu'ils voulaient la démolir en fait. Et du coup, quelqu'un l'a racheté en 2012 pour la sauver et pour en faire un lieu à vocation culturelle, artistique et événementielle. Et donc du coup, maintenant, il organise des événements, dont des mariages à l'intérieur de la chapelle. Si tu dis que ça a été désacralisé, enfin la chapelle a été désacralisée, on peut fêter un mariage tout à fait laïque dans cette... À l'intérieur, oui. Oh, c'est bien sûr, oui. Ça. Et tu as parlé aussi du fait que c'est un lieu assez atypique. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'architecture, au cadre, même aux extérieurs? Eh ben après, oui, il y a encore toutes les statues qui sont présentes à l'intérieur. On a les vitraux aussi qui sont sympas, qui donnent une lumière sympa à l'intérieur. Après, au niveau de l'architecture, je sais pas trop, c'est néo-roman, je crois, quelque chose comme ça. Après, voilà, ils ont essayé vraiment de garder le. Il y a encore l'hôtel, il y a l'orgue. Enfin, voilà, on n'a pas l'impression d'être tombé ailleurs que dans une chapelle. Quand on entre, voilà, c'est vraiment avec un haut plafond, etc. Oui, et c'est une chapelle quand même assez grande parce que si j'ai bien compris, oui, le festival se déroulera dans cette chapelle. J'imagine, hein, on est en automne, en cas de pluie, il faut que tout le monde puisse rentrer à l'intérieur. Oui, tout sera fait à l'intérieur. Pour vous donner une idée, c'est un endroit qui peut accueillir jusqu'à 200 couverts assis. Donc voilà, on appelle la chapelle, mais finalement c'est une église. Ah oui, parce qu'à cause de sa taille. Oui. On peut faire des repas dedans aussi, pas que des cérémonies. C'est bon à savoir, à noter, chers auditeurs, que ça intéresse. Mmh. Où se trouve en fait cette chapelle plus précisément pour ceux qui voudraient s'y rendre? Je pense qu'on le répétera plus tard, mais oui, pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est sur la commune de Cornimont. Quand vous prenez la direction de Ventron, c'est juste à l'entrée de Ventron, en fait. Enfin, avant l'entrée de Ventron, ouais. Oui, vraiment. C'est au croisement, en fait, entre Cornimont, Ventron et Bussan. D'accord, je crois, Travexin, enfin, bref, on trouvera, les auditeurs arriveront à trouver sans aucun problème, et qui dit forcément événement avec plusieurs prestataires ou stands, c'est peut-être le moment d'en parler. Combien va-t-il y avoir de stands, d'invités, en fait? Alors, on sera une quinzaine de prestataires présents sur le salon. Donc, il y aura photographe, fleuriste, location de matériel. Il y aura un pilote de drone, il y aura des robes de mariée, un DJ. Voilà, un petit peu tous les prestataires pourront être présents pour vous accompagner lors du mariage. Et puis, on aura quatre intervenants musicaux, donc avec un duo voix et piano. Il y aura donc Delphine Se Défile, qui est une chanteuse donc qu'on a écoutée juste à l'instant. Il y aura un groupe de jazz et puis le dimanche, il y aura un groupe de gospel dans l'église. Je pense qu'on va avoir droit à un bel effet gospel. Ah, donc il va y avoir de l'animation, on parlera dans quelques instants, je pense même après la pause musicale, des différents temps forts du programme en fait de ces deux journées. Deux journées qui sont d'ailleurs le samedi 13 octobre, ça a lieu de 16h à 22h et le dimanche 14 octobre de 10h à 18h. Ce sera encore une fois rappelé en fin d'émission et dans le podcast, enfin bref, les auditeurs ont l'habitude. Et donc tu disais, Pauline, il y a vraiment différents prestataires, donc il y a, j'ai oublié comment il s'appelle, mais le drone, en plus je sais qu'il est passé chez nous, il y a sa carte, elle est de l'autre côté de la vitre. Jordan. Oui, Jordan, pour... Drone Ambition, ça y est, c'est j'ai ça. Trouvé la pancarte. C'est ça. Voilà, pour des prises de vue en hauteur, ce qui se fait aussi de plus en plus, qui est de plus en plus la mode. Donc, tu as parlé de photographe, de marié, de location de matériel. Location de matériel, ça c'est pour ceux qui veulent faire eux-mêmes l'animation ou... C'est un prestataire en fait qui va louer par exemple tout ce qui est housse de chaise, décoration, table, nappe... Photobooth, oui. Les bornes à selfie, des choses comme ça qui se font de plus en plus. Oui. Donc vraiment, il y a un panel de différents prestataires qui peuvent intervenir pour des mariages et de préférence, j'imagine, locaux. Oui. Oui. Après, pour les robes de mariée vient d'Épinal, je crois. C'est ça. Donc, Épinal, les Saulsures. Ah, il y a une boutique à Saulsures. Oui. C'est une couturière, une créatrice. Ah d'accord, donc ça aussi c'est bon à savoir en effet parce que quand on est dans les Vosges parfois il faut faire beaucoup de routes pour trouver quelque chose des personnes qui n'ont encore, comme tu disais un petit peu plus tôt, rien prévu, rien fixé, peuvent venir et trouver peut-être des prestataires qui réussiront à faire leur journée. Ah oui, tout à fait. Et donc comme tu disais, c'est local, c'est c'est dans une ambiance conviviale. On va peut-être pas trop parler de tarifs dans l'immédiat, parce que j'imagine le mariage, ça coûte généralement assez cher, non ? Alors le mariage en moyenne, il y avait alors pour 70 invités à peu près, c'est 8 500 € de moyenne, et après quand on arrive à 150 invités, 14 300 € de moyenne pour l'année 2017. Ah oui, parce que je rappelle que Romain m'a dit aussi en off qu'il a prévu des données sur le mariage, donc tant qu'à faire, pourquoi pas se faire un petit point info avant la pause musicale suivante. Alors, oui, j'avais préparé quelques chiffres sur le mariage. Du coup, pour l'année 2017, en France, on a eu 220 000 mariages et 7 000 mariages de personnes du même sexe. La moyenne d'âge a un petit peu augmenté. On est à 35,6 ans pour les hommes et 38,1 ans pour les femmes. Et il y a aussi en plus les PAX. Donc là, les PAX, c'est des personnes plus jeunes en général. Et on est à 192 000 PAX en 2017. Sachant que le record en France des mariages, c'était en 1946, avec 516 882 mariages. Et après, enfin voilà, la période des mariages, c'est principalement 80% de juin à septembre. Et après... il y a 47% des futurs mariés prévoyaient d'inviter au moins moins de 100 personnes. Et après, seulement 12% comptaient inviter plus de 200 convives. Oui, donc ça peut faire des grosses journées avec plein de monde, mais il y a des quand même, comment dire, ça se module de plus en plus. Il y a des mariages de plus en plus personnels. Hein. J'ai entendu parler de mariages qui se sont faits à 4 personnes, donc les deux mariés, deux témoins, et puis d'autres avec beaucoup plus de monde. Donc il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment de tout maintenant. Ouais. Voilà, tout qui est faisable, tout qui est possible, tout qui est modulable. Hein, comme tu le disais un petit peu plus tôt, 8 000 € pour 70 personnes, parce que je l'ai noté. Bon, c'est une somme, mais encore une fois, c'est une moyenne parce qu'il y a peut-être des moyens. Oui, il y a beaucoup moins, beaucoup plus. Voilà, donc il y a vraiment moyen de faire de différentes manières avec j'imagine, les repas ou des choses comme ça. Enfin, les gens s'arrangent entre eux, ou même aussi pour l'animation musicale. Mais s'il y en a des qui aiment bien le gospel, on peut peut-être leur suggérer d'écouter un morceau. On va se mettre un petit peu, encore une fois, dans l'ambiance, hein, gospel qu'on retrouvera aussi, je sais plus quel jour, mais qu'on retrouvera, je dirais, après la pause musicale au salon du mariage. Le gospel sera là le dimanche. Ah d'accord, dimanche. Merci beaucoup Romain. Et c'est le groupe Gospel Blues Soul, c'est ça, de Nancy ? C'est ça. D'accord, bon bah écoute, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Thank you. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40 ou à nous laisser un petit message sur notre page Facebook Radio Gémozo ou à m'envoyer un petit SMS pour les quelques-uns qui ont mon numéro. On est toujours avec Romain et Pauline de l'association Mon Amour, M-O-N apostrophe T Amour, pour le salon du mariage qui a lieu les 13 et 14 octobre à la chapelle de Travexin à Corny. Et on a quand même parlé des différents prestataires, on a parlé de plein de choses. T'inquiète pas, j'ai une petite rubrique qui concerne Romain qui viendra un petit peu plus tard en fin d'émission. c'est vrai que s'il y a aussi quelque chose dont on avait parlé et qu'il faudrait peut-être qu'on mette en avant aussi, c'est les différents temps forts de ces deux journées, parce que forcément, vous faites en sorte qu'il y ait de l'animation, qu'il se passe des choses pour qu'on en sache un petit peu plus, qu'on découvre des choses sur le mariage. Donc, comment ça va se passer d'abord le 13 octobre, hein, les portes ouvrent à 16h. Oui, alors on commence fin d'après-midi parce qu'on fait une soirée musicale le samedi soir, donc c'est pour ça que ça s'étalera jusqu'à 22h. On aura une première partie entre 17 et 18h, on aura un atelier floral où là les gens pourront venir pour tester, on fera une petite couronne de fleurs, enfin juste une petite démonstration et les gens pourront créer eux-mêmes leur petite couronne et repartir avec. Ensuite, on démarrera la soirée musicale à 18h30 avec le piano-voix, Blue Lounge. Et après, à partir de 20h, ça sera le groupe de jazz, C'est Parti Band de Vanier. Est-ce qu'il y a aussi un choix particulier des groupes musicaux qui interviennent ? Après, c'était avec nos sensibilités, ce qu'on apprécie, ce qu'on voulait du faire local. Découvrir. Et que ça soit, oui, que ça soit que des groupes locaux. Locaux, et j'imagine que... Qui vient d'un peu plus loin, mais voilà, c'était parce que mais c'était vraiment... Mais ça vaut le coup. Ouais. Mais qui colle peut-être un petit peu avec l'ambiance du mariage. Quoique, c'est vrai que maintenant, on fait vraiment tout comme mariage, même, je crois, des mariages gothiques, métal. Mais je ne sais pas si vous auriez fait intervenir des groupes de métal ou de punk. Bah si, ça pourquoi pas, ça aurait pu. Ça aurait pu. Sur un autre thème, on a pour la première édition, on a voulu jouer la carte, de la sécurité, entre guillemets. Mais pourquoi pas, une autre année où on sera peut-être plus sûr de nous dans l'organisation du festival, faire quelque chose d'un peu plus original et voilà, qui sort un peu plus de l'ordinaire encore. Ah, c'est bon à savoir, ça. C'est très très bon. Et je vois aussi, vu que j'ai le programme sous les yeux, que je l'ai quand même. Donc tout au long de la journée, il y a des défilés de robes de mariée, j'imagine. Oui, c'est ça. Pas de robes de demoiselles d'honneur ou de choses comme ça ? Non, ce sera principalement les robes de mariée. Et ce sera les robes de... Ma robe blanche et puis Christine, donc ma robe blanche à Épinal et Christine qui est à Saulsure, la créatrice. Qui est créatrice et couturière. Oui. Et on aura aussi une petite partie restauration aussi. On aura un food truck qui sera présent pour les gens qui passent toute la soirée avec nous le samedi soir. Et comme on parle de food truck et de nourriture, forcément, il y a la question qu'il faut que je pose forcément. Qu'est-ce que ce sera ? Est-ce que ce sera adapté à différents types de régimes alimentaires ? Alors là, pas spécialement. Il a peut-être, je crois qu'il a un burger végétarien. Oui, je crois qu'il en a un, mais je ne sais pas s'il va le proposer sur le salon. Après, on a voulu proposer quelque chose, qui sort de l'ordinaire par rapport au traiteur. On voulait quelque chose d'un peu plus, relax qu'un traiteur qui va faire du gastro ou quelque chose comme ça. On voulait faire quelque chose d'un peu plus fun, en fait. Ouais. Ils prennent souvent ça pour le vin d'honneur, ou alors ils prennent pour le lendemain, pour le dimanche midi par exemple, pour pas... un food truck, c'est pratique pour la restauration le dimanche midi, le lendemain du mariage. C'est peut-être aussi, ça peut être un prestataire pour un autre mariage dans ce cas. Oui, il fait des mariages. Ah oui, il fait de l'événement. Ah oui, donc il y a vraiment tout et tout le monde qui intervient, qui peut intervenir. Donc j'imagine peut-être les groupes de musique aussi. Blue Lounge, c'est parti, et Delphine se défile, qui passera dimanche. Et à propos dimanche, les portes ouvrent dès 10h. Comment va se passer cette deuxième journée du festival ? Alors, toujours pareil, on aura des ateliers aussi. Donc, à 10h30, on aura un atelier floral, mais ce coup-ci, ça sera pour les enfants. Une petite initiation au travail floral. Ensuite, on aura à 14h un atelier avec Pauline. Et à 16h, un atelier avec Estelle, la photographe. Et donc après, toute la journée, il y aura Delphine se défile et le gospel qui fera l'animation musicale. Et toujours pareil, on retrouve le food truck et toujours pour la restauration et aussi la buvette. On a prévu aussi de la bière locale, de la fouillotte à Épinal. Voilà, restez dans le local. Donc toujours local et toujours dans une ambiance bon enfant, j'imagine, hein, pas trop strict non plus. J'imagine que ça doit être un moment assez stressant à passer pour les mariés, du moins le jour J. Oui, en général, ils sont assez stressés. En tant qu'organisatrice de mariage, j'essaye de prendre tout le stress possible pour qu'ils soient le plus relax possible. Après, c'est sûr que pour eux, c'est un grand jour et... Voilà, c'est quelque chose d'important pour eux. Et en parlant de ça, c'est vrai que, moi je parle en tant que femme, hein, que fille, on m'a toujours présenté le mariage comme une journée où il fallait être dans une merveilleuse robe de princesse et parfaite, enfin voilà, comme l'aboutissement d'une vie, donc ça a peut-être un petit peu influencé la vision que j'ai à l'heure actuelle du mariage. Mais est-ce que vous, votre expérience à vous, sans parler de si vous êtes marié ou non, a influencé votre vision et votre approche du mariage? Un petit peu, mais moi je suis toujours, on travaille, du coup je travaille avec ma compagne à l'atelier, et donc on n'est pas encore mariés, on est paxés seulement, mais après, voilà, pour l'instant on s'occupe des mariages des autres et le nôtre viendra, mais après non, notre vision n'a pas tellement changé. Après moi je suis plus sur l'aspect vraiment c'est l'union que, entre guillemets, religieux. C'est plus vraiment le fait de s'unir et de pouvoir regrouper un peu toute la famille, tous les amis qu'on ne voit pas forcément souvent. Et voilà, là, le mariage, c'est vraiment l'occasion de réunir tout le monde pour faire la fête, quoi. Et pour toi, Pauline ? Moi, je pense que est-ce que ça a influencé ma vision sur le mariage? Question piège. sur le mariage en lui-même, non, pas forcément. Mais après, c'est sûr que de voir les gens se marier, ça permet de savoir ce qu'on veut pour le sien ou ce qu'on veut pas. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde ou pas? Est-ce que les animations vont se passer de telle ou telle façon ou non? Enfin voilà, c'est vrai que de voir beaucoup de mariages, on a un recul certainement différent. Mais après, non, ça a pas vraiment changé ma vision sur le mariage. Non, pas plus que ça, ça, j'imagine que ça n'influence pas non plus ton travail, le fait que, forcément avec l'âge on grandit, on évolue, hein, et ça on évolue toute sa vie. Ça fait longtemps que tu es wedding planner d'ailleurs? Ça fait 3 ans. Ah, 3 ans, donc c'est encore tout frais. Oui. Et toi Romain, ça fait combien de temps que tu es fleuriste? Fleuriste, ça fait un petit moment, ça fait... 13 ans que je suis fleuriste, et après qu'on a ouvert l'atelier à Rochesson, ça fait 7 ans, je crois, qu'on est à Rochesson. Donc une certaine expérience, de toute façon, des deux côtés, hein, parce que les mariages, il y en a toute l'année, même si tu as dit un petit peu plus tôt qu'il y a surtout une période, je crois, de juin à septembre. De juin à septembre, oui. Ça se marie vraiment le plus. Mais d'ailleurs, question que je pose aussi, je me rends compte aussi par rapport à mon entourage, est-ce que ces temps-ci, on ne se marie pas non plus de plus en plus jeune à nouveau? Non, pas vraiment, parce que la moyenne d'âge, c'est aux alentours de 35 ans, il y a un petit peu plus pour les femmes, je crois, et non, après les jeunes, ils sont plus jeunes, c'est plus le Pax finalement, et après on se marie un peu plus tard, donc voilà, c'est peut-être que les gens passent d'abord par le Pax et après par le mariage, une fois qu'ils sont vraiment, vraiment installés, parce que les carrières commencent plus tard aussi. Les études sont plus longues, donc le temps de s'insérer dans la vie professionnelle, dans la vie active, ça prend un peu plus de temps. Et voilà, c'est plus comme avant. Maintenant, les gens habitent ensemble avant d'être mariés, ou même des enfants avant d'être mariés. Le mariage, c'est pas l'étape où on habite ensemble. Donc du coup, ça se décale et ça vient un petit peu plus tard qu'avant. Donc oui, tu disais, les gens se marient tard aussi, parce que maintenant, c'est plus obligatoire, c'est plus mal vu de vivre ensemble sans être marié, pour faire court. Hein. Mm. Mais oui, forcément, c'est une vision assez... Enfin non, c'est pas une vision intéressante, je pense que c'est une explication qui se doit d'être donnée. Mais après tout, hein, le mariage, c'est une journée consacrée à l'amour, hein, une journée de fête, une journée où vous allez faire en sorte que tout se passe bien, chacun à votre échelle. Donc toi, Romain, pour qu'il y ait des jolies fleurs et des jolis arrangements floraux qui correspondent en fait à ce que les mariés veulent représenter. Et toi, toi Pauline, toi c'est vraiment global, hein, tu vas c'est faire ça. En sorte que tout c'est s'emboîte ça. Bien, que tout fonctionne bien, et justement pas que ça parte en cacophonie, pas que ça parte en... J'arrive pas à placer le dernier titre en fait. C'est ce que j'étais en train de faire, mais là j'ai vraiment sorti les rames. Donc en fait, on va faire court, on va faire surtout... On va faire un petit hommage à Charles Aznavour avec son morceau « Mourir d'aimer ». D'ailleurs, si quelqu'un saurait comment le placer, dites-le moi, hein, ça fait toujours plaisir. On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Les parois de ma vie s'enlisent, je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la terre. D'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on ne peut de n'importe quoi. Le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez à l'instant écouté le morceau Mourir des nuits de Charles Aznavour. Et si vous voulez toujours réagir à l'émission, interagir avec moi ou avec mes invités Pauline et Romain, vous pouvez toujours en appelant au 03 29 62 40 40 ou en nous envoyant un petit message sur notre page Facebook Radio Gémozo. On est depuis le début de l'heure et pour le dernier quart d'heure à venir, toujours en train de parler du festival Mon Amour, hein, salon du mariage qui a lieu les 13 et 14 octobre à Cornimont. Et qui dit dernier quart d'heure dit moment de rassembler en fait les dernières infos. Donc peut-être Pauline, à toi la parole au début. Donc c'est un salon du mariage qui va se dérouler les 13 et 14 octobre à la chapelle de Travexin. Ce sera un moment de rencontre où une quinzaine de prestataires de mariage seront présents pour répondre à toutes vos questions concernant l'organisation de votre mariage. Mais on est bien sûr ouvert aussi à d'autres visiteurs qui n'ont pas forcément dans l'idée de se marier, mais qui ont envie de passer un bon moment, notamment lors des animations musicales, etc. On vous attend avec grand plaisir. Pour ces deux journées où il y aura 15 prestataires ou 15 stands, je ne sais pas si on dit prestataires en fait. Exposants. Merci. Là où c'est vraiment l'occasion de passer un bon moment, comme vous le disiez tous les deux, et comme le disait Pauline surtout il y a quelques secondes. Ça se passe sur les deux jours. Romain, est-ce que tu te sentirais de rappeler les horaires et les temps forts? Ouais. Pas de souci. Alors du coup, on démarre le samedi à 16h, donc l'ouverture des portes. Ensuite, de 17 à 18h, on aura un atelier floral pour les adultes. À 18h30, on aura un premier groupe piano-voix, Blue Lounge, qui va venir. Ensuite, à 20h, un deuxième groupe de jazz, C'est Parti Band, jusqu'au 22h jusqu'au bout de la nuit. on veut que ça soit convivial, donc que les gens profitent. Au départ, c'est pour se rencontrer et quand même partager un bon moment. Et donc, il y aura le soir-là aussi la présence du food truck pour la restauration et la buvette avec la bière locale de la Fouillotte. Ensuite, le dimanche, le 14, donc on recommence à 10h. À 10h30, on aura de nouveau un atelier floral, mais ce coup-ci pour les enfants. On aura deux autres ateliers l'après-midi, à 14h avec Pauline, et puis à 16h avec Estelle, la photographe. Dans l'après-midi, on aura Delphine se défile pour la musique et le groupe de gospel aussi. Et toujours pour la restauration le midi, toujours le food truck. Et toute la journée, la buvette et la bière. Faut pas que j'insiste trop sur la bière. À consommer avec modération, oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, samedi et dimanche, toute la journée, je suis pas sûre que tu l'aies dit, un défilé de robes de mariée. Oui, il y aura toujours, oui. Toujours les robes qui... Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, parce que j'ai pas vu ça sur le site. Il n'y a pas de prix d'entrée pour ce salon. Non, c'est une entrée libre, c'est gratuit. Ah, c'est important de le rappeler. C'est gratuit. On aura juste, pour ceux qui veulent participer, on aura une tombola où il y aura chaque exposant offre un petit cadeau. Et du coup, on organise une tombola et donc les mariés peuvent gagner un lot. Et donc ça, en gros, c'est pour le festival qui aura lieu, comme tu le disais plus tôt, les 13 et 14 octobre à la chapelle de Travexin à Cornimont. Un lieu très beau, insolite et désacralisé, c'est important de le dire. Et avant qu'on rappelle les dernières informations, surtout les sites internet, les pages Facebook et même autres réseaux sociaux, je sais que Romain avait prévu quelques petites infos insolites. Donc ça y est, c'est l'heure de ta petite Merci. Rubrique. Oui, j'avais préparé quelques trucs. Si un jour on m'avait dit que j'étais chroniqueur à la radio. Non, alors j'avais quelques petites infos sur des mariages, des choses qui s'étaient passées, comme par exemple des mariages de rêve où le mariage le plus cher a été recensé en Russie avec 1 milliard de dollars d'investissement. Je sais pas comment on peut dire ça, et pour 600 invités. Après, dans les mariages de rêve, ça fait toujours rêver les mariages princiers avec le mariage du prince William et de Kate Middleton avec 2 milliards de téléspectateurs. Après, j'ai trouvé aussi le mariage le plus long, qui a duré le plus longtemps, c'est 87 ans. Et le plus court, 55 heures pour le mariage de Britney Spears en 2004. Et sinon, quelque chose d'un peu moins drôle, c'est qu'on a quand même 25% des Français qui font un crédit pour financer leur mariage. Oui, parce que ça reste un événement qui peut être assez cher ou dans lequel on investit beaucoup. D'ailleurs, est-ce que l'un et l'autre, vous savez qu'est-ce qui coûte le plus dans un mariage ? C'est le traiteur. En général, c'est le traiteur. C'est un gros poste, oui. C'est pas la robe. Non. Oh non. Non, non. Ou le lieu, après, si c'est un beau lieu, un château. En général, c'est le traiteur le plus gros poste. Ah donc, encore une fois, n'hésitez pas à passer au festival Mon Amour, MON'T, pour avoir plus d'informations, pour en savoir un petit peu plus. Et voilà, donc tout doucement, l'émission touche à sa fin, mais je pense que c'est le moment de donner les derniers sites internet. Donc avant toute chose, la page festival Mon Amour, qui sera bien entendu taguée avec le podcast de l'émission que je rappellerai vraiment à la toute fin, les auditeurs ont l'habitude. Il y a un site internet pour le festival, donc www.monamour.com, donc MONTAMOUR.com. Est-ce qu'il y a une page Facebook pour l'association ? Ah oui, mais c'est ça, je crois. Il y a une page Facebook et une page Instagram aussi. Et une page événement aussi. Oui, tu as parlé d'Instagram, j'imagine que ça s'écrit comme tous les autres, MON'T. Toujours pareil, mon amour. Voilà, tout simplement. Et bien entendu, vos Facebook respectifs à vous, au moins les porteurs de l'association Mon Amour. Donc, il y a Pauline, wedding planner, toujours pour les bonheurs de Pauline. Romain, fleuriste, pour Détour Nature, Détour avec un S. Mais nature, j'ai posé la question au singulier. Et enfin, Estelle, qui n'est pas avec nous, mais si tu nous écoutes, bonjour. Elle nous écoute. Bon, Estelle, vu que tu nous écoutes, bonjour. La page Facebook d'Estelle, donc c'est R, la lettre R, photographie, qui finit en IE. Donc voilà, ça c'est, ça je crois, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, je crois, non ? Ouais, je crois que c'est. Je pense que c'est bien. Bon. Ouais. C'est bien. J'ai rien oublié, j'ai rien omis. C'est une bonne chose. Hélas, tout doucement, l'émission touche à sa fin. Comme ça y est, on entend le générique qui pointe le bout de son nez. Je connais quelqu'un qui répète cette phrase en même temps que moi, ça va devenir agaçant. Mais avant de se dire au revoir, c'est déjà l'heure de la programmation et après les dernières informations, comme je le disais. Donc on retrouvera à 20h, on va à nouveau changer d'ambiance pour l'émission Memento Mori, très hard rock, metal. Donc si vous êtes amateur, comme d'habitude, présentez-vous, soyez à l'écoute. Puis à 23h, ce sera Rock à la Casbah et on se retrouvera demain matin, 7h, 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écouté à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera aisément écoutable, téléchargeable une fois qu'elle sera mise en podcast ce soir même sur notre page Facebook Radio Gemozo ou sur notre site internet radiogemozo.eu. Allez dans la rubrique émission et rediffusion puis l'heure des loups, comme je le disais, que ce soit sur ordi, smartphone, peu importe les systèmes d'exploitation, tout fonctionne. Et sinon, après la rediffusion de demain matin, ce sera Mathilde pour ses chroniques, les secrets de Mathilde, et Marion qui vous racontera la programmation de la journée de demain. Et on se retrouvera demain vendredi, et qui dit vendredi dit billet de sortie. Donc encore une fois, florilège d'annonces, d'événements à venir, de musique, comme d'habitude. Enfin voilà, vous êtes habitués. Et puis après, je vous ferai la programmation du week-end. Et week-end, je le dis déjà à mes invités, mais je le répète à nos auditeurs aussi, nous avons notre journée porte ouverte samedi, toute la journée, donc le 10 octobre. Venez nombreux, il y a la programmation qui est disponible sur Facebook, sur notre site internet, et on a transmis sur Mirror Mon Info aussi, donc n'hésitez pas à faire un tour pour voir si vous pouvez trouver votre bonheur et rencontrer peut-être les animateurs qui vous intéressent. Enfin voilà, j'ai quasiment fait le tour, donc Romain et Pauline, merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup pour vos informations et votre bonne humeur, merci. C'était vraiment très précieux. Merci beaucoup. Et merci aussi aux auditeurs qui ont suivi l'émission jusqu'au bout, comme d'habitude je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve demain même heure. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.